بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لفضل بروفيتابل دون توحيد لا جوريسبرودونس العقيدة par notre humble cheikh Yahya ibn Ali al-Hajouri حفظه الله تعالى. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم سندخل في درسنا الجديد في كتاب المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة من شيخنا الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. Toujours dans notre cours d'El Mabadi al-Mufida, après que nous ayons pris les trois premières questions qui étaient: qui t'a créé, qui est ton Seigneur et pourquoi il t'a créé, nous allons aujourd'hui prendre, Inch'Allah, deux nouvelles questions qui elles-mêmes sont la suite de ces trois premières questions. Elles en découlent, car elles nous ont appris celui qui nous a créé, notre Seigneur, et le but de notre création. Donc il reste après cela le but de cette création, comment l'appliquer, comment atteindre cet objectif qui est de connaître la religion. Et ensuite, cette religion, comment l'avons-nous connue? Par le biais de l'envoi des messagers, et celui qui nous est envoyé à nous, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la question qui suivra sera: qui est ton messager? Et vous voyez que ces trois questions-là sont celles qui sont à la base des trois fondements qui sont Al-Usul Thalatha, ce livre connu qui est basé sur ces trois questions: qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, et qui est ton messager, qui est ton prophète. Naam. Faqal, إذا قيل لك ما دينك فقل ديني هو دين الإسلام الحق والدليل قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. S'il te dit: quelle est ta religion? Dis ta religion, ma religion plutôt, tu lui répondras: ma religion, c'est la religion de l'islam, la vérité. Et la preuve en cela est la parole d'Allah, dans le sens où il dit: certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et sa parole, Azza wa Jal, dans le sens relatif rapproché, il est celui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. Et sa parole, Subhana, dans le sens où il dit: et celui qui recherche autre que l'islam comme religion, cela ne sera point accepté de lui et sera dans l'au-delà parmi les perdants. Wal'azu billah. Il faut savoir une chose: qu'est-ce que l'islam? L'islam est de deux catégories. Il y a l'islam qui est am, général, et le khas, particulier. Le âme, c'est l'islam lillah bil tawhid wal inqiyad lahu bit ta'a wal bara'a min ash-shirk wa ahli. C'est le fait de se soumettre à Allah par son tawhid, de se laisser mener par son obéissance, et le désaveu des gens du shirk et de ces gens. Ça, c'est l'islam par lequel sont venus tous les messagers. Min Nuh ila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les messagers étaient des musulmans. Et le Coran appuie cela. Les preuves sont très nombreuses. Cela est bien nombreux. Que tous les messagers étaient des musulmans. Dans le sens qu'ils étaient soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils appelaient au tawhid, qu'ils lui obéissaient et qu'ils se désavouaient du shirk et de ces gens. Et Allah, dans plusieurs versets, dans plusieurs prophètes, il le dit. Par exemple, dans le cas d'Ibrahim, il dit « Ma kana Ibrahim yahoudiyan, wala nasraniya, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana min mushrikin. » Qu'Ibrahim n'était ni un juif, ni un chrétien. Cependant, il était sur la religion pure, un muslim, et n'était pas du nombre des mushrikin. Et ce fut le cas pour bien d'autres musulmans. Bien d'autres prophètes, plutôt, et messagers, qui eux-mêmes l'ont dit. Tous étaient des musulmans. Ensuite, l'islam khas, c'est celui par lequel est venu Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres messagers, il faut savoir qu'ils sont venus, comme cela viendra également, pour tout, yani pour chacun est venu pour son peuple. Chaque messager a été envoyé pour son peuple. Et le peuple qui a connu le plus de messagers était Banu Israël, les fils d'Israël, dont le plus grand était Moussa, sallallahu alayhi wa sallam. Donc chaque messager était envoyé pour son peuple. Pour rappeler, voilà que débarrassons avec l'ummatine rasoulan, an yabudullah, wajtanibut ta'arut. Nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous du ta'arut. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a été envoyé pour tous les hommes. Il est venu clôturer le message et la prophétie et a été envoyé pour tous les hommes, de tout peuple, de toute race, de toute région, de toute contrée, de tout pays. Et cela viendra également dans ce qu'on a cité dans les particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la deuxième question. Donc pour en venir que l'islam est la religion de vérité et que rien d'autre comme religion ne sera accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'est pas un muslim, il n'y a pas de point intermédiaire, c'est un kafir, un mushrik. Celui qui n'est pas muslim, c'est un kafir, mushrik. Il n'y a rien entre les deux. Wa ma zabad al-haq ila dalal, comme dit Allah ta'ala. Et quoi donc après ? La vérité, ce n'est l'égarement. Il n'y a pas de religion intermédiaire. Celui qui n'est pas en islam, ce n'est pas un muslim. Et celui qui n'est pas un muslim, c'est un kafir. Un mécréant, comme on dit. Également, parmi les autres preuves qui appuient que l'islam est la religion pour Allah subhanahu wa ta'ala, le hadith rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ahab al-adiyan ila Allah ta'ala al-hanifa al-samha » Ce hadith qui est rapporté par Ahmed et qui a les shawahid, qui est que la meilleure des religions auprès d'Allah, c'est la hanifiya. La hanifiya, c'est la religion pure. Le fait d'adorer Allah seul sans lui associer quoi que ce soit. Wa qala ta'ala, wa stamsik billazi uhiya ilayk, innaka la sirat mustaqim, wa innu la zikrun laka wa likomika, fa sawfa tus'alun. Et accroche-toi donc à ce qui t'a été révélé, car tu es certes sur un chemin droit. Et cela est un rappel pour toi et pour ton peuple. Et vous serez sûrement interrogé. Donc Allah Ta'ala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Et qui est de meilleure religion que celui qui soumet son visage à Allah et qui est bienfaisant. Donc Allah Ta'ala, wal ladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa amanu bima unzila 'ala Muhammad wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayi'atihim wa aslaha balahum. Et que ceux qui ont cru et qui ont œuvré de bonnes œuvres et qui ont cru en ce qui était descendu sur Mohammed. Cela est la vérité de leur Seigneur. Il expiera leurs fautes et améliorera leur situation. Faqala ta'ala, fa'in aslamu faqad ihtada'u. Et si ils se soumettent, c'est-à-dire à la religion de l'islam, alors ils seront certes guidés. Faqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aflaha man aslama wa rizika kifafa wa qanna'ahu Allah bima ataahu. Rahu muslim. Car cette réussite, celui qui s'est soumis à l'islam et qui a été à qui il a été octroyé la subsistance et qui se contente de ce que Allah lui a donné. Et comme rouya an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu kana yadur fi al-aswaq yaqul qul la ilaha illallah tuflihun. Dites la ilaha illallah, vous réussirez. Et bien entendu, la shahada vient d'un elle, le fait de reconnaître que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager et serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'un ne va pas sans l'autre. Car tu ne peux aujourd'hui reconnaître l'islam et agréer le Coran comme parole d'Allah, si ce n'est auparavant que de croire que Mohammed est son messager, alayhi salatu wa salam. Car tu ne pourras appliquer le Coran si ce n'est par la sunnah. La sunnah est venue pour expliquer le Coran. Inch'Allah, cela, je voulais en parler dans ce dersh, mais cela ne se fera pas. Je compte, bi'iznillah, quand l'occasion se fera, faire une kalima autour d'une choubouhat qui court beaucoup sur la langue de beaucoup de nos frères, qui est le fait d'appeler ceux qui se convertissent à l'islam, les appeler reconvertis, et non pas convertis. Car ils s'imaginent que celui qui naît, ce sera du hadith, kullu mouloud yuladu ala fitra, al hadith, que chaque nouveau-né est né sur la fitra. Ils s'imaginent que par cela, cela suffit à faire de toi un musulman à part entière. Donc ils se disent, comme je suis né musulman et qu'après mes parents m'ont fait apostasier, alors je suis revenu sur la fitra. Donc je suis reconverti. Donc pour eux, il n'y a pas de convertis, c'est que tous des reconvertis. Et ce mot-là en arabe n'existe pas. Et cette expression en arabe, avec les sahaba et tout autre, n'existe pas. Là, je ne vais pas trop m'étaler, mais pour dire que ce terme-là n'existe pas. Cette compréhension, elle est erronée. Et que cette compréhension est erronée, inch'Allah, on en parlera avec des preuves et des fatwas de ulama, inch'Allah, à l'occasion, bi'iznillah. Non. Donc pour tout cela, pour dire que le musulman doit bien assimiler et comprendre et accepter que la seule religion qu'il existe est celle de l'islam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les autres sont toutes fausses. Toute autre religion autre que l'islam est fausse. Les chrétiens sont des koufars. Les juifs sont des koufars. Les bouddhistes sont des koufars. Les hindous sont des koufars. Les athées, tous ceux qui n'ont pas agréé l'islam et suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont tous des koufars. Tous des mécréants. Maintenant, parmi eux, il y a des gens qu'on appelle El Fitra, ceux dont le message n'est pas parvenu. Ça, c'est une autre affaire. D'accord? Après leur mort, Inch'Allah, Allah va les éprouver. Comme cela est venu dans des hadiths, ils seront éprouvés. Pour savoir, est-ce qu'ils ont accepté l'islam s'il leur était parvenu. Mais nous, en ce bas monde, dans cette dunya, on se comporte avec eux comme des koufars. C'est-à-dire, si ils meurent, on les enterre chez les koufars. Hein? Pas au milieu des gens de l'islam. Et après, Amruhum il Allah. Par la suite, leur affaire revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à bien se rappeler du principal verset, Inna dina indallah al-islam. Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et rien d'autre. Et ce que Allah décrit comme étant des mu'minoun dans son livre, min ahl kitab, c'est des gens qui étaient des musulmans. Min l'islam al-aam, l'islam général, qui était le tawhid, l'obéissance et le désaveu du shirk. Après, leurs rites, on ne les connaît pas tous. Certains sont dans des textes et d'autres, on ne les connaît pas. Et chacun a eu son messager qui lui est parvenu. Pour chaque peuple. Comme dans le verset, nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager. Donc tout le monde a reçu le message, de façon générale. Maintenant, les afrad à la chaîne Ahar. Thumma, as-su'al, as-thani. La deuxième question du cours, qui est en fait est la cinquième du livre. قال فإذا قيل لك من نبيك فقل نبي ونبي هذه الأمة جميعا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل قول الله تعالى وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقوله تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنبي الأمي الذي يؤمن بالله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Dans le sens où il dit, s'il te dit, qui est ton prophète? Alors dis mon prophète est le prophète de toute cette communauté. Le prophète de toute cette communauté, et c'est Mohammed, le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il apprend cela, la parole d'Allah, dans le sens relatif et rapproché, où il dit, Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vous, ou aucun d'entre vos hommes, mais le message d'Allah est le sceau des prophètes. Et sa parole, subhana, dans le sens où il dit, il est celui qui envoya aux illettrés un messager d'entre eux qui leur récitait ces versets et qui les purifie, qui leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Donc, Allah Ta'ala, dans le sens, croyez donc à Allah et en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez guidés. Naam. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Il est un prophète et un messager. Quelle est la différence entre les prophètes et les messagers? Le prophète, plutôt le messager, c'est celui qui est envoyé à un peuple qui dément et mécréant avec un livre, en général, et une législation. Et le prophète, c'est celui qui est venu pour revivifier et rappeler aux gens ce que le messager a apporté auparavant. Il n'apporte rien de nouveau, le prophète. Le prophète n'apporte rien de nouveau. Il ne fait que revivifier ce qu'il y avait derrière lui. Et savoir que tout messager est un prophète et pas le contraire. Tout messager est forcément un prophète, et ce n'est pas tout prophète qui est un messager. Non. Donc, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord son nom, c'est Mohammed ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdul Manaf, ibn Qasib, ibn Kilab, ibn Marra, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Gharib, ibn Kahr, ibn Malik, ibn Dadr, ibn Kinana, ibn Khuzayma, ibn Mudraka, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'b, ibn Adnan. Et à partir de cette chaîne de transmission avec ces noms, il y a une divergence remontant jusqu'à Ismaïl. Jusqu'à Adnan, les savants sont unanimes que la chaîne, les noms que nous venons de suivre, sont ses ancêtres, ses parents, ses pères. Et à partir de Adnan, la divergence existe, remontant jusqu'à qui? Jusqu'à Ismaïl, alayhi salatu wassalam, qui est le fils d'Ibrahim. Et Ismaïl, c'est un moustarab. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, Ismaïl n'était pas un arabe. Mais il a été adopté par les arabes. Il a été élevé par eux. Il a grandi en leur sein, a appris leur langue. Et a maîtrisé leur langue parfaitement. Donc c'est un moustarab. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam descend de Ismaïl, alayhi salam. Car les arabes existaient depuis bien avant Ismaïl. Saleh était un arabe, alayhi salatu wassalam. Donc de là, nous avons eu les noms de la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wassalam. Et nous savons que il est né avec une divergence, comment dire, que son père est soit mort avant sa naissance, alors qu'il était dans le ventre de sa mère, ou alors peu de temps après sa naissance. Lui, sa date de naissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wassalam, c'était le lundi du mois de le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, de l'année de l'éléphant. Hein? Fi sanat fil. Des divergences sont venues, mais la parole la plus forte et la plus correcte est celle-ci. Naam. Sa mère, elle s'appelait Amina. Et son père, elle s'appelait Abdullah. Et les deux sont morts sur le shirk. Contrairement à ce qu'on peut entendre chez les soufis, le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa mère sont morts mouchriquin. D'où le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda l'autorisation à son seigneur d'invoquer pour sa mère, il lui refusa. Et il lui demanda l'autorisation de pouvoir visiter sa tombe, il lui accorda. Naam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un orphelin. El yatim en islam, el yatim ou el lazi mata anhu abuhu wa wa kabel boulour. C'est celui dont le père est mort avant d'atteindre la puberté. Et ça, yatim en islam. Même si sa mère elle est vivante, juste le fait que son père soit mort et qu'il n'est pas encore majeur, ou plutôt pubère, c'est un yatim, c'est un orphelin. Donc il fut éduqué par qui? Par son grand-père. Par la suite. Et après la mort de son grand-père, Abdul Muttalib, il fut pris en charge par qui? Par son oncle, Abu Talib, le père de Ali. Il est connu qu'il se mariait avec Khadija. Première de ses femmes, c'était Khadija. Qui s'est marié avec elle alors qu'il avait 25 ans. Et il est connu que Khadija était plus âgée que lui. Mais tout ce qui est venu disant comme quoi qu'elle avait 40 ans, 45 ans, il n'y a aucune preuve là-dessus, comme le dit notre shir, Hafizallahu Ta'ala. Il n'y a aucune preuve sur son âge. On sait juste, c'est vrai qu'elle était plus âgée que lui, mais de combien, on ne sait pas. De combien, on ne sait pas. Et tous ses enfants, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont de Khadija. À part le dernier qui est Ibrahim, qui était de Maria el-Koptiya, qui était une de ses esclaves, de ses servantes. Donc la prophétie lui vient à l'âge de 40 ans, car c'est l'âge à laquelle l'âge auquel vient la prophétie chez les prophètes. Car c'est l'âge de la... que la raison est complète et parfaite. L'homme rentre dans sa perfection morale et rationnelle à l'âge de 40 ans. En dessous, il est un peu jeune, et après, il se peut qu'il devienne un peu sénile, comme on dit, par la suite. Et le meilleur âge, c'est la quarantaine pour un homme. C'est là où il est le plus mûr. Et donc, lui est venu l'ange Jibril, alayhi salatu wassalam, et le fut récité les cinq premiers versets de Iqra. D'accord ? Les cinq premiers versets de Iqra. Et par la suite vient Al-Mudathir. Aussi une chose qui est venue, que comme quoi il a été dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait voulu, par peur de ce qu'il a vu ou ainsi de suite, se suicider en se jetant du haut des montagnes. Et cette histoire, bien qu'elle fût citée dans Sahih al-Bukhari, ça a été mis ta'liqan sans isnad, pour démontrer que cette histoire-là, il n'y a rien qui l'appuie. Nous avons même demandé à notre cher Abu Amr al-Hajuri, hafzallahu ta'ala, et il dit que cette histoire, il n'y a rien qui l'affirme. Il n'y a rien de vrai en cela, rien d'authentique qui le prouve. Donc cela n'a aucune preuve à l'appui de dire cela. Car il faut comprendre ce que l'imam Bukhari dans son livre, des fois il met une chose juste pour démontrer qu'elle n'est pas vraie. Ce n'est pas tout ce qu'il met dans son livre. Je parle dans ce qui est dans les affaires sans ta'liq, mu'allaqa sans isnad, des fois il peut les mettre justement pour démontrer leur fausseté. Cela arrive. À l'exemple de cette histoire. Naam. Donc de là, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des créatures. Et après, et Khadija fut la première à le soutenir, à le secourir après que la révélation lui soit parvenue. D'où son mérite énorme. D'où son mérite énorme. Et la préférée de ses femmes par la suite fut Aïcha. Radiallahu anha. Les savants ont défini entre la différence entre Aïcha et Khadija, c'est que elle, Khadija, elle était venue pour le secours, le soutien. Elle a soutenu au moment où tout le monde l'avait laissé, où elle était seule. Et Aïcha, son mérite, son plus grand mérite, elle, c'est la propagation de la science, de tout ce qu'elle a appris du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'elle s'est mariée avec lui jeune, et lorsqu'il est mort, elle avait 18 ans, sans enfant. Et elle fut la femme la plus savante. Donc elle contribua. Elle a eu sa grande part de propagation de l'islam. Radiallahu anha. Belle radiallahu anha jami'an. Donc le prophète, comme il est connu, appela, comme cela est dans Usul Salafa, appela au Tawhid, hein, durant une bonne période à Mekka. Car c'est de là qu'il vient. Il vient de Mekka, de la tribu de Quraysh. Par la suite, après avoir subi les sévices de la part des mouchriquins, des polythéistes, ne pouvant être en mesure d'être en sécurité ou d'appliquer sa religion comme il le souhaiterait, lui et les croyants qui étaient avec lui, les sahaba, alors de là vint les versets de la Hijra, qu'ils émigrent en un lieu où ils puissent adorer Allah subhanahu wa ta'ala en toute liberté. La première Hijra fut celle qui fut faite en Habasha, par un groupe de sahaba. Puis par la suite, Allah fit descendre, révéla au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller à Al-Médina. Donc, celle-ci fut la terre de Hijra, au sens propre du terme, du fait qu'elle était une terre d'islam. Et que s'y trouvaient les Ansar, qui accueillirent les Sahaba, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et furent un soutien pour eux. Et à la base, les Ansar sont des gens du Yémen. Les Ansar, à la base, sont des gens du Yémen. Et à partir de là, que cette Hijra fut faite, débutèrent des obligations religieuses. Comme les cinq salawat et ainsi de suite. À partir de là, elles débutèrent, vraiment. Et le jihad également se mit en place. Donc la première bataille fut celle de Badr. Et ça n'eut lieu qu'après la Hijra, et pas avant. J'aimerais ici citer quelques particularités de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'entre les autres prophètes, et ensuite avec les autres muslimines de sa communauté. Prix du livre, Sirat al-Rasul, yani al-Fusul fi Sirat al-Rasul d'Ibn Kathir, qui est l'un des meilleurs livres citant la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. A savoir que ses khasa'is, ses spécificités, sont de deux catégories, comme nous l'avons dit. Celle qu'il avait en dehors des autres messagers, et celle qu'il avait lue en dehors des autres musulmans de sa communauté. Donc en premier, il y a ce hadith où il dit Utitu khamsan lam yutahunna ahadun min al-anbiya qabli nusirtu bil ru'b masirat ash-shahr wa ju'ilat lil-ardu masjidan wa tahura wa aynama rajulun min ummati yadraku as-salat falyusalli wa uhidat li al-ghanaim wa lam tuhil li ahadin qabli utitu ash-shafa'a wa kana an-nabiy yub'athu li qaumihi khassatan wa bu'ithu lin-nas 'amma. Dans les deux sahihain, muttafaqun alayh. Quand il dit, cinq choses m'ont été accordées qui n'ont été données à personne d'autre avant moi, parmi les NBA, parmi les prophètes. Tout d'abord, j'étais secouru par la peur de mon ennemi d'une distance d'un mois. C'est-à-dire son ennemi, même d'une distance d'un mois de marche sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait peur de lui. Même s'il était loin, il avait peur de lui. Également que la terre lui était mise comme lieu de purification, c'est-à-dire le tayammum. Et qui peut faire la salat, ou qu'il le souhaite, en dehors des lieux interdits. Alors que les autres prophètes, eux, ils étaient obligés de faire leur ibadah dans des lieux spécifiques. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire sa salat partout. Bien que le masjid est meilleur, en jama'a, mais demain il n'y a pas de masjid, où que tu sois, en un lieu qui soit purifié et autorisé, à la base, tu peux faire ta salat, en jama'a. Qu'il lui était autorisé de prendre le butin de guerre, chose qui était interdite, aux autres prophètes. Lorsque les autres prophètes allaient partir en conquête et ramasser le butin, il y avait un feu qui descendait du ciel qui brûlait tout cela et le consommait. Alors que nous, en islam, cela nous a été autorisé. Comme a dit le Nabi sallam, l'inallah alifa fina da'fa, car Allah a su notre faiblesse. Également, il aura la shafa'a al-kubra, l'intercession yom al-qiyama pour les gens des kaba'ir de sa communauté. Cette shafa'a est propre que pour les musulmans. Bien que son oncle Abu Talib, son châtiment lui fut allégé par cette shafa'a, mais lui c'était un kafir, il est mort mouchrik. Juste il a le châtiment le moindre, mais il restera toujours parmi les gens du feu. Et également parmi ses particularités, par rapport aux autres prophètes, comme nous l'avons dit, lui il est envoyé à tous les hommes, alors que les autres prophètes n'ont été envoyés qu'aux gens de leur peuple. Non. Ensuite également, que lui, il était le plus parfait, et qu'il est le chef de tous les prophètes, et leur sermonneur, et leur imam, et le sceau des prophètes, et qu'il n'y aura personne après lui. Et que tous les prophètes avaient pris l'engagement et le pacte de le secourir s'ils devaient le rencontrer. Par exemple, Isa alayhi salam, lorsqu'il va descendre, va juger avec la loi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'apportera rien de nouveau. Également, le miracle continue, toujours présent de nos jours, car tous les prophètes ont eu des miracles. Les messagers ont eu des miracles. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de traces. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand miracle qu'il ait eu, toujours présent aujourd'hui entre nos mains, c'est le Coran. Kalamullah. Également parmi ses particularités qu'il fut élevé aux cieux. Hein? Al-Mi'raj. Qu'il fut élevé aux cieux et alla jusqu'au niveau le plus haut. Hein? Jusqu'au niveau le plus haut. D'où là lui ont été ordonnés d'accomplir les salawat. Au début elles étaient de 50, puis elles ont été descendues au nombre de 5. Rahmatan min Allah lana. Également parmi ses particularités, c'est que les gens de sa communauté, si jamais ils s'unissent sur une parole, ce qu'on appelle l'ijma', alors ils auront forcément raison. L'ijma de la communauté de l'islam est une hujja, est un argument. Contrairement aux gens des autres communautés. Également parmi ses particularités, son bassin, qu'il aura yom al-qiyama. Des versions sont venues que d'autres prophètes auront également des bassins, mais cela n'est rien à faire, il n'y a aucune preuve à l'appui. Nous savons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aura son bassin, à lui. Et également parmi ses particularités, qu'il fut né qui provient du meilleur lieu sur terre, qui est Mecca. Hein, qui est Mecca. Ensuite, parmi ses particularités par rapport aux gens de sa communauté, par exemple, que le mensonge sur lui n'est pas comme le mensonge sur autrui. Celui qui ment, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il prépare son siège dans le feu. Le mensonge à la base est interdit, mais celui qui ment volontairement sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son châtiment sera plus grand. Également, qu'il lui fut accordé en science, ce qui fut accordé à tous les hommes réunis. La science du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam représente la science qui a été donnée à tous les hommes, depuis l'aube des temps. Et également, parmi ses particularités, qu'il voyait autour de lui ce que les autres personnes ne voyaient pas. Ce qui est lié aux choses de l'invisible. Également, que Allah lui a fait choisir, Allah lui a fait choisir entre l'au-delà et ce bas monde. Et qu'il lui interdit de tourner son regard vers les choses mondaines. Également, parmi les choses qui lui ont été, propres, c'est qu'il était illettré. Comme cela est connu, il était illettré. Également, parmi les choses qui lui étaient propres par rapport à sa communauté, là, je ne cite pas les adillah parce que ça sera trop long, mais dans le livre, tout est cité. Dans le livre Al-Fusul, Fissirat al-Rasul, tout est cité. Là, juste, je cite en résumé pour vous, mais les adillah sont présents dans le livre. Également, on dit, parmi ceux-là, que celui qui l'a vu en rêve, c'est comme s'il l'avait vu en réalité. Celui qui voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en rêve, est comme s'il l'avait vu en réalité. Et que le shaitan ne peut prendre son apparence. Ces particularités qui ont été prises comme des bid'ah par beaucoup de gens, c'est le fait que, comme dans le hadith, de ces deux personnes qui se faisaient châtier dans la tombe, un pour la namima qu'il colportait, et l'autre du fait qu'il ne se préservait pas de son urine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une feuille de palmier pour alléger leur châtiment. Ce geste, cet acte n'est propre qu'à lui. Cet acte n'est propre qu'à lui, car il n'y a que lui qui savait ce qui se passait dans cette tombe. Donc demain, nous, on n'a pas à aller prendre une feuille et la placer sur une tombe de quelqu'un pour alléger son châtiment. On ne connaît pas la rime. On ne connaît pas l'invisible. On ne connaît pas le hel de celui qui est dans la tombe, à part pour le kafir. Car même le plus grand des pervers, il se peut qu'Allah lui pardonne. Et celui qui nous paraît comme étant le plus pieux, il se peut qu'Allah le châtie et connaisse sa vraie intention. Donc cet acte qui est de mettre une feuille au-dessus de la tombe d'un mort, cela ne revenait qu'à lui. Non. Et également, qu'il se faisait éprouver comme se faisaient éprouver deux hommes. Du fait que ses douleurs, ses affres, étaient décuplées par deux. Non. Qu'il lui était interdit également de manger des sadakas, de l'aumône. Qu'il s'agissait d'une sadaka obligatoire comme la zakat, ou tatawu'an, surrogatoire, comme celle qui vient de chacun. Que cela lui était interdit. Par contre, il acceptait des cadeaux. Non. Parmi ses particularités également, que lui pouvait enchaîner le jeûne. Il n'était pas obligé de rompre. Kamakol, fa'innallah yut'imni. Il avait interdit à ses compagnons de le faire, mais lui, cela lui était autorisé du fait que Allah le nourrissait, comme il le disait lui-même. Non. Et bien d'autres choses nombreuses, là, c'était les plus importantes. Également, une chose importante, parce qu'il se rapporte à la polygamie, qu'il est mort alors qu'il avait 9 femmes. Pour tous les croyants, c'est 4 femmes, le maximum, qui sont permises. Lui a eu droit à plus. Lui a eu droit à plus parmi ses particularités également. Et qu'également, il pouvait se marier sans wali. Il pouvait se marier sans tuteur. Car lui-même remplissait le rôle de tuteur. D'accord? Ou même sans dot. Cela ne lui était pas obligatoire. Et que ces femmes sont les mères des croyants. Les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants. Et également que, parmi ses particularités, que si jamais il offense une personne par ses paroles, ce qu'on appelle un sab, que cela deviendra une miséricorde pour cette personne yom al-qiyama. Cela deviendra une expiation de ses péchés et une rahma pour lui. Naam. Parmi ses particularités, c'est que ses petits-enfants de ses filles s'apparentent à lui. Car à la base, l'enfant s'apparente au père. D'accord? L'enfant s'apparente au père. Et bien lui, parmi ses particularités, les fils de ses filles s'apparentaient à lui, c'est-à-dire du côté de la mère. Jurilou min el bayt. Également qu'il était l'homme le plus courageux qu'il fut, et le plus engagé dans les combats. À tel point que même les compagnons se cachaient derrière lui. Et qu'il pouvait voir de derrière son dos. Parmi ses particularités, qu'il voyait de derrière son dos. Comme dans le hadith de la Fivine dans la salat, qu'il voyait les sahaba, sans avoir tourné la tête, il les voyait de derrière son dos. Voilà. Donc voici, c'était un petit résumé de ces particularités qui sont bien nombreuses, qui fut le meilleur des hommes, dont le comportement était le Coran. Comme a dit Aïcha, « Kana khulukuhu al-Qur'an ». Tout ce comportement était le Coran. Hein, il était d'une beauté immense également, sallallahu alayhi wa sallam. Et il mourut à l'âge de 63 ans, shahid, à la suite des poisons mis par cette femme juive dans sa nourriture, la'natullah alayha. Donc il mourut en tant que martyr, en tant que shahid. Et sa tombe est connue, son emplacement est Al-Medina. Naam. Donc les deux questions de ce jour furent: quelle est ta religion, celle de l'islam? Et qui est ton prophète? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. فبهذا القدر نكتفي ونقول الحمد لله رب العالمين مع تحية دمام افاف.com